Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les cartons d'invitation avaient été envoyés, les premiers convives étaient arrivés, l'événement s'annonçait somptueux, un festival de cinéma en France, libéré de toute influence fasciste. L'affiche est sublime, réalisée par le peintre Jean-Gabriel Doumergue. Il est écrit « Festival international du film de Cannes, 1er 20 septembre 1939 ». Une femme nue, peinte, le dos complètement découvert, la coiffure exubérante, affiche sublime. Nous sommes fin août 1939, une fête. Une fête est organisée comme une répétition, elle est brutalement interrompue par un orage. Mais l'on rit sous la pluie au Palm Beach à Cannes. Le 1er septembre 1939, le jour de l'ouverture du festival, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Un orage de feu s'abat sur l'Europe. Aujourd'hui, nous parlons d'un festival qui n'a pas eu lieu. Pour nous parler... Festival international du film, Cannes, septembre 1939. Président d'honneur, Monsieur Louis Lumière, membre de l'Institut. Président, Monsieur Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale. Règlement, article 1. Le premier festival international du film s'ouvrira à Cannes le 1er septembre 1939. Article 2. Son but est d'encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes et de créer entre tous les pays producteurs de films un esprit de collaboration. Article 3. Chaque nation participante notifiera officiellement au secrétariat général du festival les œuvres qu'elle aura choisies en toute souveraineté pour la représenter. C'est Daniel Koenigbergs qui nous lisait le règlement du premier festival international du film à Cannes en 1939. Un festival qui n'a pas eu lieu et en cela, il nous intéresse. Aujourd'hui, pour nous en parler, Olivier Loub, bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste de l'histoire des représentations et de l'imaginaire politique. Olivier Loup, vous êtes professeur de chaire supérieure à Toulouse, au lycée Saint-Sernin, biographe de Jean Zay. Vous y teniez à ce festival de Cannes 1939. Mais alors, pourquoi à Orléans? Alors moi, je suis arrivé à Cannes par Jean Zay, effectivement. Mais Jean Zay était à Orléans bien avant que le festival de Cannes ne renaisse comme histoire. Et c'était d'une logique quand même imparable s'il s'agissait de faire revivre l'événement là où l'histoire finalement de Jean Zay avait commencé. Parce que Jean Zay est d'Orléans. Jean Zay est le député d'Orléans. Il est né à Orléans. Il en connaît toutes les pierres et tous les visages comme il l'a écrit. Et Jean Zay, ministre donc de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay, donc avant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1939, met en place, soutient ce projet d'organiser un festival international du film. Oui, vous avez raison, il est à la fois ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'est-à-dire de la culture, c'est-à-dire du cinéma. Et ce projet, il le soutient à la fois comme homme politique généraliste, il est engagé dans des idées qui sont anti-munichoises, et donc dans un antifascisme sur lequel on reviendra, j'imagine, et il est le titulaire du ministère de la Culture. Pour ces deux raisons, c'est assez naturel de créer ce festival en France à partir du moment où, à la Mostra, le contrôle politique par les fascistes a pris le devant. Et avec nous aujourd'hui, Antoine Debac. Bonjour Antoine, professeur Bonjour. D'histoire du cinéma à l'École normale supérieure et président du comité Jean Zay. Quel est ce comité Jean Zay? Alors le comité Jean Zay, c'est ce qui s'est créé il y a 3 ans maintenant, quand Hélène et Catherine Zay, les filles de Jean Zay, qui sont toujours parmi nous et ô combien, elles sont très très présentes encore à Orléans, notamment, sont des femmes très engagées dans la vie de la ville et dans un engagement civique. Elles m'ont proposé de faire quelque chose, c'était pas encore tout à fait clair. On savait depuis quelque temps, parce que beaucoup d'archives venaient de sortir de la Cinémathèque, que Jean Zay avait effectivement eu ce rôle fondateur dans la création du Festival de Cannes. Et je leur ai proposé de refaire le Festival de Cannes, ou de le faire, c'est-à-dire On a la liste des 30 films qui devaient être montrés à partir du 1er septembre 1939. Et l'idée, à la fois toute simple et un petit peu compliquée, puisqu'il faut retrouver ces 30 films qui viennent de partout, de l'Europe et des États-Unis, c'était de montrer la sélection. Pour cela, pour jouer le jeu du premier festival de Cannes, il fallait aussi créer un jury. Donc, c'est ce que nous avons fait aussi en proposant à Amos Gitaï de présider un jury de 9 membres. Et puis, voilà, un palmarès va suivre et tout le festival suit en fait. Une fois qu'on a ce cœur, ce trésor que sont les 30 films prévus en 1939, eh bien, ça crée un festival de cinéma. Et c'est ça le rôle du comité Jean Zay Cannes 39. Alors, pour parler de ce festival, Festival de Cannes 1939 et ce Festival de Cannes à Orléans aujourd'hui en 2019, avec nous également Natacha Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Jean Jaurès, Toulouse, Jean Jaurès. Ce Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu aujourd'hui, nous en parlons depuis un moment. Olivier Loub a écrit des ouvrages sur ce Festival de Cannes. Il n'a jamais été oublié ou il a ressurgi récemment? Il y a un nouveau regard porté, j'ai l'impression, sur ce moment, ce festival qui n'a pas eu lieu. Je crois que c'était un événement qui n'en était pas un sur le plan historique et qui n'était pas un objet historique. Je crois que c'est vraiment le livre d'Olivier consacré, j'en suis même certaine, consacré à ce festival qui a fait naître cet objet en tant qu'objet de recherche historique et donc qui l'a fait renaître aussi, qui le rend possible auprès du public et qui rend possible la manifestation aujourd'hui puisque c'est lui qui a ouvert ses cartons d'archives et qui a rassemblé toute une série d'informations, posé les premières questions puisque moi en tant qu'historienne du cinéma soviétique, c'est pour ça qu'Olivier est venu me voir au moment où il écrivait ce livre en disant « Mais voilà, j'ai une sélection soviétique, qu'en penses-tu? Quelle est la place de cette sélection dans l'histoire du cinéma soviétique ?» Et c'est comme ça que toute une équipe, ensuite autour d'Antoine de Beck, s'est constituée pour travailler sur cet objet qui est passionnant. Bien écoutez, nous allons tout de suite entendre la voix de Jean Zay. Jean Zay qui parlait à la radio en 1939, le 1er juin 1939. Jean Zay à qui l'on demandait « Mais que sera cette compétition ?» Elle sera à la fois nationale et internationale, puisque le Grand Prix sera attribué à chaque pays participant pour le meilleur film qu'il aura présenté. Et la compétition sera également internationale, puisque le jury sera composé de hautes personnalités choisies à raison d'une par nation, parmi les hauts fonctionnaires, les artistes ou les lettrés de chaque pays. Alors quand nous écoutons Jean Zay, nous entendons la voix d'un ministre. Jean Zay est ministre. Olivier Loup, faut nous rappeler qui est Jean Zay avant d'être ministre. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un homme jeune que nous venons d'entendre. Oui, c'est un homme jeune et si on s'y laisse prendre, on a l'impression qu'il a la voix de son régime, de la Troisième République. Ça participe d'ailleurs un petit peu à l'oubli, à la mémoire cachée, parce qu'effectivement, la Troisième République est enfoncée dans des limbes qui sont assez désagréables par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Bon, mais c'est un homme remarquable, parce que il incarne la jeunesse de cette République parlementaire de l'époque, et c'était une possibilité, c'est un des futurs qui n'est pas advenu par la suite, que celui du renouvellement de cette République parlementaire. Aisé aurait été, comme d'ailleurs Pierre Ménès-France, qui sont amis, ils sont très très proches, ce renouvellement par la gauche du radicalisme. Et là, c'est doublement enterré, si je puis dire, et la Troisième République et la gauche du radicalisme. Comprenez que politiquement, il soit loin de nous en apparence. Mais peut-être parce que c'est un des futurs possibles. Et puis, Jean Zay est un homme que l'on relie au Front Populaire. C'est vrai que dans notre construction d'imaginaire politique de cet entre-deux-guerres, le Front Populaire est un moment fort. Jean Zay est relié au Front Populaire. À juste titre, on peut tout à fait dire qu'il est le dernier ministre du Front Populaire. Lorsque vous regardez son action, elle s'étale sur plus de 40 mois. Il est nommé par Léon Blum, certes. Il va jusqu'à la guerre avec Édouard Daladier. Mais au fond, dans le champ culturel, et ici, sur cette chaîne, on est bien placé pour l'entendre, eh bien, c'est quelqu'un qui a mené son action continuellement. C'est le seul domaine où la politique de Front Populaire a pu essayer d'être menée continuellement jusqu'à la guerre. Alors, nous venons d'entendre Jean Zay qui explique vouloir soutenir la mise en place d'une manifestation cinématographique internationale. Mais Jean Zay est ministre quand il dit ça. Et nous savons que, bien souvent, tout ce qui est manifestation culturelle est soutenu hors de l'institution, naît hors de l'institution, est ensuite porté par l'institution. Ce festival international du film de Cannes 1939, celui qui n'a pas eu lieu, est porté par qui? En fait, il naît à quel moment, qui a l'idée de créer ce festival-là? Est-ce que c'est Jean Zay? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Antoine Debac. C'est, il y a une légende sur l'invention du Festival de Cannes, et comme toute légende, elle a sa part de vérité. Je pense qu'il faut se reporter à la Mostra de Venise, puisque le Festival de Cannes est une sorte de réponse à la Mostra de Venise. Il y a deux Mostras qui sont décisives, c'est 1937 avec le couronnement de la Grande Illusion, hein, le film de Renoir, qui est pour Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, une très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que voilà, la Marseillaise applaudie à tout rompre par l'amphithéâtre de Venise, et quelque chose qui n'est pas passé ni chez les fascistes ni chez les nazis. Et puis l'année suivante, il y a cette idée qui est très très fortement ancrée chez Goebbels de prendre sa revanche sur la Grande Illusion, et Goebbels impose au palmarès de façon tout à fait active le grand prix pour Leni Riefenstahl, la cinéaste nazie, la cinéaste qui a filmé les Jeux Olympiques, hein, dans ce film qui par ailleurs a des vertus cinématographiques évidentes, qu'est Olympia. Et donc voilà, ce coup de tonnerre qui est la coupe de Venise à Leni Riefenstahl va provoquer une indignation des délégués, que sont les délégués français, américains, anglais, qui sont officiellement au Festival de Venise, et notamment du délégué français qui s'appelle Philippe Erlanger, hein, qui dirige l'action internationale du ministère des Beaux-Arts. Et Philippe Erlanger va, avec ses collègues, prendre conscience qu'il faut un contre-festival. Et au retour à Paris, après une nuit dans le train, écrit-il, il va proposer, ou en tout cas il va parler avec Jean Zay de cette idée d'un contre-festival, et Jean Zay va immédiatement embrayer en quelque sorte sur cette idée, et c'est seul Jean Zay, qui est le ministre, a le pouvoir de mettre cette idée en place. Antoine Debac, vous savez que Philippe Erlanger ne s'est pas contenté d'écrire qu'il avait rêvé ce festival dans un train, il l'a aussi raconté, il l'a raconté à la radio en mai 1958 à François Chalais, qui l'interroge. Ce festival, c'est vous, Philippe Erlanger, qui en avez eu l'idée il y a exactement 20 ans. Il y a 20 ans, en effet, j'hésite presque à le croire, tellement je revois avec netteté ce wagon-lit où, revenant du Festival de Venise, je n'arrivais pas à trouver le sommeil, et où cette idée m'a visité pour la première fois. Je ne me doutais pas que tant de choses allaient en sortir. Vous ne trouviez pas le sommeil parce que le wagon-lit était dur? Non, c'était d'abord, il y avait des raisons d'ordre très général. Nous étions à la veille de Munich. Et puis, je me remémorais ce qui venait de se passer au Festival de Venise, qui s'était terminé dans le tumulte, parce que la politique avait complètement changé les décisions du jury. Et de nombreux pays, notamment les pays anglo-saxons, avaient décidé de ne pas y retourner. Philippe Erlanger, qui est interrogé en mai 1958 par François Chalais. Dites-nous, Natacha Laurent, dans le panorama politique de ces années très difficiles, nous sommes à la fin des années 30, nous sommes en 38-39, vous avez étudié le cinéma soviétique, il y a déjà des grandes nations politiques du cinéma, ça s'identifie nettement, il y a déjà, on va dire, un cinéma soviétique, le cinéma du fascisme, le cinéma du nazisme, le cinéma des démocraties, c'est pas si simple, en fait, tout cela se mêle, et puis derrière, j'imagine qu'il y a aussi simplement le commerce, c'est-à-dire que les producteurs ont besoin de vendre leurs films, donc la Mostra de Venise est intéressante aussi. Comment se construit ce panorama du monde cinématographique? Alors, je crois que ce qui est très intéressant dans le Festival de Cannes, c'est que la création du Festival de Cannes, c'est qu'on a toutes les dimensions du cinéma. On a à la fois la dimension commerciale, la dimension divertissement, la dimension populaire et la dimension éminemment politique. Et je pense que c'est ça qui est aux fondations, qui est vraiment aux origines du Festival de Cannes, c'est l'exposition finalement de la puissance dans toutes ces dimensions du cinéma. Alors, c'est un festival des nations. Clairement, chaque nation est sollicitée en tant que telle et elle est invitée à proposer une image d'elle-même à un moment clé qui est l'été 39, une image d'elle-même sur la scène internationale dans une logique de diplomatie culturelle. Donc c'est là qu'on voit très très bien, alors des grandes nations sont absentes, à commencer par l'Allemagne naturellement et l'Italie, mais c'est passionnant du point de vue justement historique de regarder cette sélection à travers justement ce prisme des nations, c'est-à-dire qu'on voit vraiment à l'écran ce que chaque nation a voulu renvoyer d'elle-même comme image. Alors, du point de vue soviétique, c'est très très très évident. Du point de vue américain, mais Olivier en parlera sûrement mieux que moi, c'est vraiment les studios qui sont sollicités et c'est vraiment Hollywood qui arrive en force. C'est une grande différence par rapport aux autres sélections qui, elles, sont proposées par les États, qui sont donc les films sont sélectionnés par les États. Aux États-Unis, bien sûr, il n'en est pas question. Ce sont les studios qui montent au créneau. Voilà, donc pour l'URSS, c'est le gouvernement qui choisit en gros les films qui doivent être envoyés à Cannes. Naturellement, et les soviétiques ont, je pense, été pratiquement les derniers à être sollicités. C'était quand même compliqué, hein, durant l'été 39 de solliciter les soviétiques. Certes, le pacte n'est pas signé, mais les soviétiques, même s'ils ont rejoint le camp antifasciste depuis 1934, sont les derniers véritablement à être invités. Ils reçoivent l'invitation par le biais de leur ambassade à Paris, à la fin du mois de juillet 1939. L'invitation est immédiatement, part immédiatement sur le bureau du tout nouveau directeur du cinéma qui est Ivan Bolchakov, qui sera le grand ministre du cinéma sous Staline. Et c'est lui qui, dans l'urgence, le 5 août, propose très vite une liste. Et il a négocié juste avant une condition absolument formidable, c'est-à-dire que les soviétiques, selon le règlement, devaient avoir uniquement 2 films, puisqu'ils font partie des nations qui produisent moins de 100 films par an. L'Union soviétique n'en produit qu'une petite quarantaine. Et il a dit, nous acceptons, nous participerons, mais à une condition, nous aurons 4 longs métrages en compétition, comme les Français. Il n'est pas possible d'accepter d'aller en France et d'avoir quand même une sélection inférieure à celle des Français. Et dans cette programmation, dans cette sélection de films, que trouve-t-on en fait qui reflète cette société du moment, alors société au sens géographique, géopolitique de l'Europe et du monde même, donc dans ces années 1938-39, Antoine Debac? Juste un mot sur la sélection soviétique. Ce qui est passionnant aussi, c'est que en France à l'époque, on ne peut pas voir de films soviétiques. C'est pas possible. Ils ne sont pas distribués parce que c'est interdit. On a peur des émeutes. En 39, normalement, on aurait dû voir 4 films représentant officiellement l'Union soviétique, alors qu'on ne peut pas voir de films. Donc il y a quelque chose quand même qui est assez exceptionnel. Olivier Loupe, sur cette sélection. Sur ces sélections et sur la façon dont le festival est conçu, on peut dire qu'avec le festival de Cannes, il y a quand même le cours de l'histoire, pour reprendre votre titre, hein, le cours de l'histoire du cinéma change. Plus exactement, tout le monde était content d'aller à Venise et a eu beaucoup de mal à en partir, non pas uniquement en raison du Lido, mais parce qu'à Venise, c'était faite la reconnaissance du cinéma comme art. Et ça, évidemment, c'est ce que le métier, la profession souhaitait depuis des décennies. Et à Cannes, ce qui se passe, c'est que le cinéma est nécessairement une politique. Et ça, c'est ce qui s'additionne. Ça reste d'ailleurs, jusqu'à nos jours, une des caractéristiques de Cannes. Et sauf que cette politique, c'est quand même la pédagogie des contraires qu'il va falloir mettre en place. On est en pleine ambivalence. On vient de le voir, la sélection soviétique est présente avec 4 films, alors même que le cinéma soviétique n'est pas visible sur les écrans commerciaux. Mais on pourrait dire la même chose, le cinéma américain envoie ses meilleurs films, ils ont chez eux des films anti-nazis pour le marché intérieur, mais ils ne les envoient pas au Festival de Cannes. Donc chacun est en train de gérer à sa façon l'ambivalence de ce temps de crise, dans lequel on voit très bien un ressourcement des conservatismes à l'échelle mondiale, en même temps qu'il y a la nécessité de se positionner face aux dictatures. D'ailleurs, lorsque Jean Zay présente le festival, il dit bien « nous ne ferons pas de politique ». Alors même que c'est évidemment une création qui est politique. On est en pleine, c'est mon maître Pierre Laborie qui le dit, hein, on est en pleine ambivalence, c'est-à-dire pédagogie des contraires. Et ça fonctionne très bien, en particulier, ça fonctionne pour ce qui est de la sélection française, puisque la sélection française, c'était 4 films, auxquels Jean Zay rajoute un 5e film, j'allais dire par le fait du président, et ce 5e film, c'est un film colonial, où il s'agit de montrer la force de l'Empire français. Alors, faut nous parler un peu plus de cette sélection du Festival de Cannes 1939. Nous sommes aujourd'hui en direct d'Orléans, dans le théâtre d'Orléans, pour revivre ce Festival de Cannes 1939. Alors, que trouve-t-on dans cette sélection qui aurait dû être vue à Cannes? Tout était prêt. Je pense que les bobines étaient même présentes. Ah oui, les bobines étaient là. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait, il y avait 38 films qui étaient arrivés. On savait qu'il y en aurait que 30 qui seraient montrés. Et en fait, c'était les Américains qui étaient arrivés avec 17 films au lieu de 8. Hein. Ah, les Américains. Ils n'avaient pas encore, ils s'étaient pas encore mis absolument d'accord. C'est une négociation entre majors, entre studios. Hein. Et alors, ce qu'on voit, pour moi, se dessiner le plus clairement dans cette sélection, c'est, je dirais, il y a deux éléments qui me semblent très frappants. C'est d'abord la première fois que dans un festival international, on va voir des films en couleur. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est dans l'histoire du cinéma. Il y a trois films en couleur. Il y a un film d'aventure coloniale, justement, le film anglais « Les quatre plumes blanches », qui... disons, est un peu dans l'esprit d'autant en emporte le vent. Voilà, cette idée de voilà, l'aventure des hommes, ça se filme en couleur. Et puis, il y a deux films qui sont sur le monde enfantin. Et l'autre agent de la couleur, c'est l'enfant, c'est Le Magicien d'Oz. Et c'est les films de Disney. Disney est présent à Cannes. C'est même une des grandes stars, a priori, du festival. Et ça, ce sont les films en couleur. Donc, il y a cette arrivée d'un... Je dirais, par rapport à l'actualité de 39, qui est cette grande angoisse de la guerre, là, on est dans le monde plutôt de l'évasion. Enfin, c'est une des forces du cinéma, le divertissement. On s'évade d'une réalité angoissante. Et puis l'autre réalité angoissante qui produit des films à Cannes, et c'est presque un tiers de la sélection, hein, c'est presque une dizaine de films, c'est l'Empire, le monde colonial. Ça, c'est quelque chose de très présent. Aujourd'hui, on a du mal à voir ces films. Hein. On y voit plutôt l'oppression des colonisés que les bienfaits des colonisateurs. Hein. Mais c'est vrai que c'est très présent, à la fois parce que c'est un imaginaire qui porte véritablement ces sociétés anglaises, américaines, françaises notamment, belges. Voilà, c'est, je dirais, presque le nouveau western pour l'Europe. Hein. C'est la frontière, c'est les terres vierges, c'est... Là, on va amener la culture et la civilisation occidentale. Et puis, c'est aussi un enjeu politique très directement. Puisque ce festival est une contre-Mostra, il faut montrer les muscles face au fascisme et au nazisme. Et la manière d'être puissant à l'époque, c'est de dire « nous sommes un empire ». La France, ce n'est pas seulement la métropole, c'est 100 millions de personnes autour du monde. Et c'est surtout une armée. Et ça, l'armée coloniale, c'est quelque chose de très important pour Jean Zay. Tout cela, on le voit dans la sélection de ce festival de Cannes 1939. Olivier Loup, quand on regarde la sélection, quel film reste aujourd'hui ? Alors, les films qui pourraient rester, parce qu'on est un peu heureusement saturé, et ça, c'est génial d'être ici, de pouvoir voir les films et les revoir, sont des films qui permettent de comprendre pour moi ce que ça signifie l'antifascisme en 1939. Parce que là, on est sur une grande question politique. Or, c'est un antifascisme libéral avec les soviétiques. C'est quand même, vu de 2019, assez difficile à concevoir. Donc, on pourrait prendre, par exemple, bien sûr, Mr. Smith au Sénat. C'est-à-dire que vous avez là un film qui est une défense et illustration de la démocratie libérale, mais qui passe par le biais d'une intrigue, d'une histoire amoureuse, etc., qui tient la route aussi, et dans laquelle il y a une figure de femme forte, qui est la secrétaire de James Stewart. On insiste à juste titre sur James Stewart, mais Jean Arthur est magnifique dans ce film. Et donc, si on devait retenir un film comme étant l'antifascisme, on va dire, de l'époque, vu des studios, mais pas que, puisque c'est le film qui reste jusqu'à nos jours. En revanche, si vous prenez Le Magicien d'Oz, je dois avouer qu'il est un redoutable retour à la réalité, puisqu'au fond, rien ne vaut la maison, mais la jeune fille revient à la maison et on revient dans le sépia. L'évasion a duré le temps de la parenthèse enchantée. Et justement, nous allons écouter Julie Garland, parce que on ne peut pas passer à côté. Nous évoquons Le Magicien d'Oz. Nous avons besoin de rêver, comme vous le disiez, Antoine Debac, ce rêve de cinéma confronté à la réalité sinistre du contexte guerrier de l'Europe en 1939. Judy Garland, Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique à Paris, Jacques Ezubert et à Orléans, Raymond Albouy et Pierre-André Soupiot. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au Festival de Cannes 1939, un festival qui n'a pas eu lieu. Natacha Laurent, dites-nous, ce Festival de Cannes 1939 s'inscrit dans un contexte très particulier. Nous nous en souvenons particulièrement aujourd'hui parce que ce festival n'a pas pu se tenir. Ça se joue en plus à quelques jours, c'est-à-dire que tout est près fin août et le 1er septembre l'Allemagne envahit la Pologne et tout s'effondre. Quel regard, vous, historienne, vous portez sur ce festival de Cannes 1939? Il reflète les angoisses du moment. Il est un cas que l'on peut étudier pour saisir, parce que la période est complexe, d'essayer de saisir ce moment hallucinant de l'été 1939. Oui, ça, je crois que c'est une des dimensions passionnantes du festival. Antoine Debac disait tout à l'heure que il donnait son analyse des différents types de films qu'il y a. Sur la couleur, je suis parfaitement d'accord, bien sûr, avec Antoine. Moi, il me semble que quand on la regarde du point de vue que vous adoptez à l'instant, Xavier Mauduy, il me semble qu'il y a deux grandes lignes quand même dans ce festival. Il y a le divertissement. Et le divertissement pur et l'évasion complètement. Et puis il y a des films qui portent la guerre, qui portent une guerre. Alors de façon différente, parce que je pense que la sélection française le porte, mais peut-être de façon moins immédiate et moins réaliste. Mais la sélection soviétique ou la très très modeste sélection tchécoslovaque, qui donc incarne un pays qui n'existe plus, faut-il le rappeler. Et oui, l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie. Et ce film qui s'appelle la Grande Solution ou La Peste Blanche de Hugo Haas est un peu dans la même veine que les films soviétiques, c'est-à-dire que la guerre est une réalité. Elle est déjà là et elle s'incarne visuellement pour le cinéma soviétique, notamment dans un film qui ne devait pas être dans la sélection, qui n'était pas dans la première sélection du fameux ministre du cinéma, mais qui est arrivé dans la deuxième liste, qui est Si demain c'est la guerre, qui est un film absolument hallucinant, incroyable, totalement hybride, et qui représente l'avenir, qui anticipe l'avenir. Il a été commandé en plus en 1937, il est mis en route en 1937, c'est à l'origine un hommage simplement à l'armée rouge, et c'est un film qui en fait décrit ce qui va effectivement se passer pour l'Union soviétique 2 ans plus tard, c'est-à-dire en juin 1941. Le film montre et raconte, avec des images documentaires, des images d'actualité, des images dites d'archives, des images de fiction, toute une sorte de mélange savamment orchestré parce que le montage soviétique sait faire de mieux et de plus élaboré. Il montre une guerre à venir avec des images du passé. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une réussite assez incroyable du réalisme socialiste. Parce qu'en fait, c'est ça que demandait le réalisme socialiste. Et le film est, donc voilà, et il a été montré aux États-Unis, c'est incroyable, il a été montré aux États-Unis lors d'une projection à la fin de l'année 1938. Et les journaux américains étaient absolument stupéfaits, disant, nous avons là à faire un film de science-fiction, un film d'anticipation, un film de fantastique, mais qui utilise des images du passé pour nous présenter une réalité à venir. C'est la force du cinéma. C'est la force du cinéma et c'est aussi la force de l'historienne que vous êtes, Natacha Laurent, de jouer sur cette temporalité. Un film n'existe pas uniquement au moment de sa sortie, il est long à préparer, il reflète un temps passé, il existe après parce qu'il est dans les archives. Et d'ailleurs, ce Festival de Cannes 1939, nous l'analysons connaissant ce qui se passe après. Nous savons qu'après, c'est la guerre. C'est pour ça que le regard de l'historien et de l'historienne est intéressant. C'est pour ça également qu'il faut se projeter quelques années après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, quand a lieu la première édition du Festival de Cannes, celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Et pour nous en parler, mais mieux qu'une palme, c'est Anaïs Quien et son journal de l'Histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs Quien, aujourd'hui, le Festival de Cannes 1936, c'est le deuxième premier Festival de Cannes, parce que lui a bien eu lieu, mais c'était après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1946. Le Festival de Cannes avait dû reporter sa date de naissance en 1939 pour cause de guerre, mais en 1946, ça y est, les festivités sont enfin possibles. Une occasion d'éloigner la guerre, peut-être, pas vraiment, puisqu'elle hante de sa présence cette première édition où les vainqueurs s'apprêtent à se livrer une bataille à coups de pellicules, de chars fleuris et de Michel Morgan. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays. Dans cette compétition pacifique, quelle place emportera le cinéma français? Aux prises avec le cinéma américain, qui est peut-être venu défendre Grace Moore, et avec le cinéma soviétique. Le suspense est insoutenable, c'est une compétition, mais sa férocité reste très légère. Le Festival de Cannes de 1946, c'est avant tout une rencontre diplomatique organisée par le gouvernement français. Les invitations sont lancées par le ministère des Affaires étrangères et relayées par les ambassades. Les organisateurs ne sélectionnent pas les films, ce sont les États invités qui choisissent parmi leurs productions ceux qui doivent représenter la nation et ses messages à délivrer. Les membres des délégations, cinéastes, dignitaires officiels et journalistes sont également triés sur le volet. C'est avant tout et toujours un festival politique. Parmi les grands vainqueurs de la guerre tout juste achevée, un État est particulièrement attendu, l'Union soviétique. Les relations sont déjà délicates et la France se propose de porter le flambeau de la concorde internationale, un vœu pieux salué par des journalistes malgré tout un peu sceptiques le soir de la garden party inaugurale. Nous sommes dans les jardins du Grand Hôtel et sur la tribune officielle dressée face à la mer. Les hommes, ayant fini de lancer des bombes, jettent ce soir des fleurs sur la croisette, preuve de leurs intentions pacifiques momentanées. Un char fleuri, celui de la Russie, sur lequel des œillets blancs se détachent en traçant le mot « paix », lâchera tout à l'heure des colombes qui se perdront dans la nuit. Nous accepterons avec joie ce symbole. Les soviétiques jouent le jeu des mondanités festivalières en organisant un cocktail chaque soir. L'enthousiasme diplomatique est à son comble. On a un temps cru que le grand vainqueur de l'Est ne fasse la fine bouche, mais non, l'Union soviétique accepte l'invitation et débarque sur la croisette avec la volonté de profiter de son aura acquise en Europe de l'Ouest et de se faire connaître et éventuellement de propager son projet de société. La délégation est d'ailleurs bien accueillie et bénéficie même d'un certain privilège puisque le cinéma soviétique est à l'honneur aux séances d'ouverture et de clôture du festival. La tension est pourtant bien palpable, des incidents techniques lors des projections provoquent l'indignation des soviétiques qui crient au sabotage, mais la projection ratée du film d'Alfred Hitchcock Les Enchaînés, dont les bobines ont été inversées à la projection, sauve la mise et apaise le climat du festival. Il n'y avait pas d'exception soviétique face aux aléas techniques. Le premier festival de Cannes est encore un événement qui célèbre la victoire des alliés face à l'Allemagne nazie et c'est d'ailleurs le film de René Clément, La bataille du rail, apologie des héros de la résistance, qui remporte le prix du jury international. Toute la vie secrète, violente, héroïque des cheminots pendant que la France vivait sous le couteau nazi, vous la connaîtrez dans le film qui a obtenu l'unique grand prix international du jury au festival de Cannes et dont le réalisateur René Clément a été désigné par le même jury comme le meilleur metteur en scène international. L'Union soviétique n'est pas en reste puisqu'elle repart avec 8 récompenses. De toute façon, c'est un peu l'école des fans, cette première édition de Cannes, puisque tous les pays participants repartent avec un prix. La ferveur autour de la présence soviétique semble avoir été récompensée de ses efforts. Le premier festival de Cannes est une réussite. Mais il sera le dernier, avant longtemps, à accueillir l'Union soviétique. Dès l'année suivante, il se refuse à y participer, essentiellement pour protester contre la part du lion que se taillent les États-Unis dans le marché du cinéma d'Europe occidentale. Le Festival de Cannes 1946, un dernier festival avant la guerre froide. Toujours important de contextualiser. Merci beaucoup Anaïs Quien. Toutes les informations sont à retrouver sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Le Festival de Cannes 1946 est un festival d'entre deux. Il est intéressant parce que la guerre froide n'est pas encore, j'allais dire officiellement, jamais officiellement déclenchée, mais enfin, les communistes sont encore des interlocuteurs. Il est compliqué, ce festival 1946. Quand vous étudiez le festival qui n'a pas eu lieu, celui de 1939 et celui de 1946, quelles différences majeures constatez-vous les uns les autres ? Antoine Debac. La différence majeure, c'est la présence ou l'absence de Jean Zay, par exemple. C'est quand même, il y a un grand mystère. En 1946, les fondateurs du festival, que sont Philippe Erlanger et Georges Huysmans, sont les deux plus proches collaborateurs de Jean Zay en 39. Donc ils savent absolument ce qui s'est passé en 39. Et en 1946, le mot de Jean Zay n'est jamais prononcé. Il y a pourquoi ? C'est vraiment une question intéressante et c'est ce qui explique aussi la mémoire compliquée de ce premier festival et de Jean Zay lui-même. La première explication, c'est que Jean Zay a été assassiné par la milice en 44, mais on ne le sait pas en 46. On sait qu'il a disparu, on sait qu'il est sans doute mort, on sait cela, mais on a pas retrouvé encore le cadavre. Plus exactement, deux jours avant l'ouverture du festival 46, on trouve un cadavre près de Rion, mais il n'est pas encore identifié. Il ne sera vraiment identifié officiellement qu'en 48. Donc c'est Jean Zay, un homme sans sépulture, un homme, une sorte de fantôme un peu errant, et on ne convoque pas un fantôme pour fonder une nouvelle ère, pour fonder un nouveau festival. Et donc dans l'ambiance de la libération, c'est sûr que la mémoire de Jean Zay et l'action de Jean Zay passe un peu à l'as. Ça c'est très très très intéressant comme phénomène. Vous avez raison Antoine Debac de remettre l'humain au cœur de notre questionnement. Nous parlons du festival de Cannes, celui 1939 qui n'a pas eu lieu, celui de 1948, le premier festival, mais tout cela est porté par des hommes, par des femmes, par de la chair, et c'est vrai que Jean Zay est au cœur de ces questionnements, et d'ailleurs nous allons écouter ce que disait Jean Zay quand il parlait en juin 1939 de ce premier festival de Cannes. J'ai souhaité en effet que Louis Lumière prêtât le prestige et la gloire de son nom à la présidence d'honneur de notre festival, et je me réjouis qu'il ait accepté. C'est lui d'ailleurs qui remettra la coupe décerné au meilleur metteur en scène, titulaire du Grand Prix Louis Lumière. Jean Zay en 1939, qui cite Louis Lumière, avant la guerre, après la guerre, c'est vrai que tous ces personnages prennent des dimensions différentes. Jean Zay a disparu, il a été assassiné, vous l'avez rappelé Antoine Debac, on ne sait pas encore exactement s'il a été assassiné ou pas, mais on s'en doute. Louis Lumière, plus compliqué aussi comme personnage. Olivier Loupe, c'est vrai que le monde a changé, je veux dire le monde du cinéma, des acteurs du cinéma, et pas au sens de ceux qui sont filmés, mais ceux qui font le cinéma. Alors, vu du Festival de Cannes, tout change et rien ne change malgré tout. C'est-à-dire que il y a bien sûr la disparition combien importante de Jean Zay, il y a le fait que l'année 39 elle-même est absolument mortifère et que imaginer qu'il puisse y avoir le berceau d'une nouvelle ère à partir de l'année 39, c'est quand même un exercice extrêmement difficile. En revanche, la continuité avec le festival de 39 est malgré tout formidable humainement, puisque vous l'avez signalé, Philippe Erlanger Huysmans aussi, Georges Huysmans, qui est à la tête des Beaux-Arts en 1939, sont là. Et non seulement là, mais ils vont être délégués généraux du festival. Ils vont le remettre en place. L'état culturel de l'époque sait faire, et il le fera à Cannes aussi. Donc la continuité aussi du règlement. Ce que vous signaliez tout à l'heure pour ce qui est des choix soviétiques ou non, etc., s'appuie sur un règlement qui sera le même jusqu'à 72. 1972, sont les États qui choisissent. Mais peut-être par-delà cela, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que si on suit les mots cette fois-ci de Georges Perec, le Festival de Cannes 1939, c'est une anthologie prémonitoire des festivals qui vont se tenir. Perec ne parlait pas du Festival de Cannes 39, c'est dans sa nouvelle qui s'appelle d'hiver, c'est pas le conte d'hiver, excusez-moi. Alors là, je vous aiderai pas, Olivier. Oui, est-ce que quelqu'un peut aider autour de la table? W. Perec. Alors, écoutez. C'est pas du tout un W, mais bon. Non, mais c'est l'avantage parce que vous avez un groupe Facebook, Le Cours de l'Histoire, vous avez les réseaux sociaux France Culture, et nos auditeurs sont au taquet, il va y avoir des tonnes de réponses. Et c'est une bonne blague de Perec, c'est exactement ça que c'est. Mais alors, je vais faire l'auditeur. Écoutez, cher Olivier Loub, il s'agissait du voyage d'hiver que vous auriez dû citer. Voilà. Donc, dans le voyage d'hiver, Perec parle d'une anthologie prémonitoire de la littérature française avec un livre qu'il découvre. Ici, on a ça. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est que dans le jeu des temporalités que vous évoquiez, dans le cas de 1939, il y a la création de futurs regards qui vont être portés par le cinéma sur la politique. Et regardez le premier palmarès, on a bien un film qui est volontairement s'inscrit dans une lecture politique du moment de 1946, c'est celui sur la résistance, bien entendu, et avec ce premier palmarès. Donc, c'est ça qu'en 39, c'est bien une anthologie prémonitoire des festivals à venir. Natacha, Laurent, vous, ce regard que vous pouvez porter sur cette évolution entre le festival de Cannes qui n'a pas lieu en 1939 et celui de 1946, là aussi, la donne a changé, c'est-à-dire que la place de l'URSS dans le monde s'est évidemment transformée pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le cinéma soviétique s'en ressent? Est-ce qu'il y a une volonté de se montrer encore plus puissant au Festival de Cannes, ou est-ce qu'en fait nous sommes dans des continuités de démarches? Je crois qu'on est dans une continuité de démarche, alors que pourtant l'Union soviétique de 39 n'est pas l'Union soviétique de 45. Bien évidemment, en 45, l'Union soviétique est devenue une superpuissance et elle ne va cesser de le démontrer dans les décennies qui suivent. En revanche, je pense que ce qui est une victoire pour les soviétiques, c'est enfin finalement de voir reconnaître sur la scène internationale le rôle que eux ont attribué dès 1917 au cinéma, c'est-à-dire un rôle absolument central dans un gouvernement, dans une société, dans un projet social, dans un projet politique. Pour eux, le cinéma est quelque chose d'absolument cardinal et est l'objet de toute leur attention, de tous leurs soins. C'est un outil formidable de mobilisation. Ce n'est pas qu'un outil artistique pour les soviétiques, ça l'est assurément, mais pas que. Et je crois, moi je vois dans Cannes un événement profondément politique, et je pense que c'est ce qui fait la spécificité du Festival de Cannes, et dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire que c'est un événement qui est né du politique et qui reste politique. Et en 46, il est politique, et c'est pour ça qu'il est autant en phase avec ce début justement de la guerre froide. Et il faut être clair, c'est aussi pour ça qu'en tant qu'historien, c'est un objet absolument passionnant. Et là, je vois deux visages qui acquiescent à côté de vous, Natacha Laurent, Olivier Loub. Non, c'est cet aspect politique qui nous intéresse pour ce Festival de Cannes. Ah oui, c'est un rêve d'historien culturel du politique. Vous avez à la fois le média culturel et vous avez à la fois les interrogations sur le jeu des temporalités dans le politique. Bon, c'est une chance de pouvoir travailler sur ce festival. Question source sur ce Festival de Cannes que nous étudions. Alors, celui de 1946, puisqu'il a eu lieu, il y a énormément de sources, j'imagine, parce qu'après, il y a une continuité historique, il n'y a pas de rupture majeure, et puis la presse en parle, vu que l'événement a lieu. Pour le Festival de Cannes 1939, là, c'est plus complexe. Comment parle-t-on de quelque chose qui n'a pas lieu? C'est paradoxalement un trésor de sources. C'est ça qui est assez fou. Et c'est parce qu'il y a ce trésor qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui est surgi des archives, parce que à la Cinémathèque française, Gilles Jacob, président du Festival de Cannes, a, alors je ne sais plus exactement l'année, en 1999, déposé des magnifiques cartons d'archives, y compris sur 1939. Et donc, par exemple, tout le travail d'Olivier Loub, tout le film d'abord de Francis Gendron, puis ensuite de Julien Houguergouz avec Olivier, s'appuie sur ces archives. Et nous, pour la conception de ce festival 1939 à Orléans 2019, on s'est bien sûr régalé de ces archives. On a fait une exposition, par exemple, qui peut circuler. Et un colloque également. Voilà, un colloque qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Et puis, dans la sélection... dans une des sélections que j'ai conçues qui s'appelle Regard sur l'histoire de documentaire, on profite en quelque sorte et on montre cette explosion littéralement, ce foisonnement de documentaires sur Jean Zay, sur le festival de Cannes 39, sur cette période qui est née de ce foisonnement d'archives. Olivier Loube. Oui, ça a été ma grande surprise, c'est-à-dire que ce non-événement, on pouvait penser qu'il était porté par des non-archives. Et en fait, les archives existent, elles sont au moins de trois types. Les archives du festival, 10 cartons, formidablement rangés d'ailleurs par la Cinémathèque française, mais aussi la presse. La presse de cinéma de l'époque est très abondante. Il y a 6 hebdomadaires, hein, dont 4 grands publics et 2 professionnels. Et puis les films. On a l'existence sur les écrans du festival de Cannes. Vous mêlez les trois archives, on a l'histoire tout à fait possible. Et puis, ça commence, j'allais dire. Ça commence avec le colloque qui va venir, mais aussi, si vous voulez, ça commence parce que il faut que cette histoire devienne mondiale, au sens où l'histoire du Festival de Cannes 1939, elle doit être vue d'Italie, elle doit être vue d'Union soviétique, et là, Natacha Laurent a très largement entamé le travail, des États-Unis aussi, qui sont tous surpris. Charles Rifkin, le PDG de la NPA, de la Motion Picture Association, était tous surpris, quelque part, de voir que la naissance de Cannes était franco-hollywoodienne. Hein, et etc. Tous les pays peuvent nourrir désormais cela, et c'est ce que le colloque du 28 au 30 novembre nourrira. Natacha Laurent. Alors sur les archives soviétiques, c'est passionnant, c'est absolument passionnant, parce que bon, l'Union soviétique, on sait que c'est une civilisation du rapport, selon le mot célèbre de Nicolas Wirth, et ça se vérifie une fois de plus. C'est-à-dire que dans les archives, moi, que je pratique régulièrement, j'ai cherché et j'ai très vite trouvé. Alors il reste bien sûr, comme d'habitude, pour un historien, il reste des questions sans réponse et sur lesquelles il faut, avec notre humilité quotidienne, faire des hypothèses. Mais il y a énormément de choses. Donc dans les archives du Comité du cinéma, bien sûr, pour tout ce qui est, on va dire, cuisine interne, établissement des listes, réaction des cinéastes, etc., etc. Les archives, bien sûr, bon, ça, incontournable du comité central, hein, du Parti communiste de l'Union soviétique, où se prennent les décisions au plus haut niveau. Les archives, bien sûr, du ministère des Affaires étrangères, puisque là, on est dans une dimension internationale. Et comme pour la presse française, la presse soviétique, qui ne relaie pas le festival, mais qui relaie les films, et qui relaie l'histoire des films. Parce qu'en fait, cette histoire, à la grande différence de ce qui s'est passé en France, cette histoire n'est pas rendue publique. Les soviétiques ne sont pas au courant, c'est quelque chose qui ne sort pas dans la presse parce que ça se fait trop tard et que de toute façon le 23 août 1939 le pacte germano-soviétique est signé et toute cette histoire-là est évidemment pas sans coulisses et elle est totalement abandonnée. L'intérêt de ce festival pour les historiens est une évidence du point de vue politique, vous l'avez rappelé les uns les autres, du point de vue politique au sens politique pur, dur, mais aussi politique culturel. Nous sommes en 2019, il y a 60 ans, en 1959, André Malraux mettait en place le ministère de la Culture, et pourtant, en 1939, donc 20 ans plus tôt, Jean Zay, que nous allons encore écouter, enregistré en 1939, réfléchissait à ce que le pouvoir pouvait faire de manière à encourager la culture. Encourager l'art cinématographique sous toutes ses formes, afin de contribuer à provoquer entre tous les pays producteurs un véritable esprit de collaboration. Et chacun conviendra que nul pays, mieux que le nôtre, ne pouvait présider à une telle manifestation dans un esprit d'objectivité artistique et d'impartialité absolue. Jean Zay, nous venons d'entendre une nouvelle fois, mais c'est un choix volontaire d'entendre souvent la voix de Jean Zay dans une émission consacrée au Festival de Cannes 1939 qui nous intéresse sur France Culture dans le cours de l'histoire. Cette réflexion de Jean Zay sur la nécessité d'encourager à la création. Nous sommes, alors c'est compliqué en 1939 parce que nous sommes après le Front Populaire, nous sommes dans des années politiques. Jean Zay, voilà, essaye de se positionner en tant que ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts dans un monde qui ne lui correspond plus tellement. Cette réflexion-là nous parle encore aujourd'hui et c'est sans doute pour ça que ce festival de Cannes 1939 est à Orléans en ce moment. Antoine Debac. Oui, je pense qu'il y a chez Jean Zay un projet culturel global qui n'est pas celui d'une culture d'État, évidemment, mais celui d'un État culturel, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire d'un État qui va aider, subventionner, protéger la culture. Et pour prendre l'exemple du cinéma, c'est sûr que le Festival de Cannes est une sorte de cerise sur le gâteau d'un projet de réforme plus large hein, que Jean Zay met en place, essaye de mettre en place. En tout cas, les rapports sont là, les textes sont là. Le problème de Jean Zay, c'est le temps. Il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Ce sont ses, en quelque sorte, successeurs qui mèneront cette politique sur le cinéma notamment, mais pas seulement à bien. Et par exemple, dans des rapports que on remet à Jean Zay ou un discours de Jean Zay en 1939, il y a cette idée des statuts du cinéma. Il s'agit d'organiser la profession, d'assainir la profession aussi, parce que on est dans un contexte très compliqué au milieu des années 30. Le cinéma français, il y a beaucoup de faillites. Les sociétés de production ne sont pas très solides. C'est un contexte qui est compliqué, et c'est aussi pour ça que l'État veut intervenir pour soutenir le cinéma. Donc tout ce projet de réforme du cinéma, il aboutira, disons, après-guerre, hein, avec, par exemple, la naissance du Centre national du cinéma. C'est quelque chose. C'est typiquement le projet de Jean Zay qui va jusqu'au bout. Et puis le développement du Festival de Cannes, évidemment. Et d'où l'intérêt de réfléchir à ce festival aujourd'hui, avec tous ces échos du passé qui nous parlent à nous encore quand on entend Jean Zay évoquer l'encouragement de la culture. Ça nous parle principalement sur France Culture, d'où la nécessité d'être ici présent au Théâtre d'Orléans, mais pas seulement le cours de l'histoire. Plan large également. Bonjour Antoine Guillot. Bonjour Xavier. Alors Antoine, demain également, ici à Orléans, pour parler de... En public et en direct, on va faire comme dans tout festival de Cannes, on va prendre les films, puisque maintenant le festival qui n'a pas eu lieu, il a eu lieu, on voit les films, on va faire une tribune critique autour de quelques films de la compétition. Il y aura deux Américains, un Soviétique, un Français, un Tchécoslovaque, un Néerlandais, des films très connus, Le Magicien d'Oz et Seuls les anges ont des ailes, mais aussi des films beaucoup plus curieux, comme La charrette fantôme de Julien Duvivier, un film qui a mauvaise réputation et qui mérite qu'on y revienne, et puis un film tchécoslovaque, on le disait, La grande solution, qui une sorte de politique fiction qui documente en direct l'agression qui va venir contre la Tchécoslovaquie, une comédie musicale soviétique, parce qu'il y en avait, n'est-ce pas Natacha Laurent, les tractoristes qui vantent la mécanisation des campagnes et aussi la transformation des tracteurs en tanks. On sent que la guerre n'est pas loin. Et puis un film très très rare qu'on n'avait presque jamais vu, Petit garçon d'un certain Detlef Sirk, futur Douglas Sirk. Merci beaucoup Antoine. Donc Antoine Guillot, c'est Plan Large demain à 14h sur France Culture. Là pour le moment, nous sommes obligés de fermer cette page du cours de l'histoire, parce que nous aussi nous n'avons plus le temps, le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Biodes, Camille André, Alice Rouet, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast ou bien sur Facebook. Rejoignez-nous, le groupe, le cours de l'histoire. La semaine prochaine, ce sera toujours cinéma, histoire et cinéma, car le cinématographe est un objet historique, mais aussi vecteur d'histoire et de mémoire.